te voler. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es des fourmis, deviens cigale. Par son retour, pour tous les silences qui nous tournent autour, j'ai la bonne solution. Simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radioguémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Plus de 400 personnes ont aimé notre publication de cette semaine. Un petit coucou à tous nos amis Facebook. Bonjour le Québec, bisous Lynn et Huma. Bonjour le Maroc, bonjour la Suisse, bonjour l'Italie. Alors, bonjour la technique. Bonjour Cassandra. Bonjour Gilou. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alors, ça va très bien, merci. Alors vraiment, j'ai de la chance à chaque fois de changer de technicienne comme ça. C'est super sympa. Alors, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne avec la plus belle musique jusqu'à 17h30 en direct. Pour cette deuxième émission de la saison, j'ai le plaisir de recevoir en live dans nos studios mon ami et artiste Cyril Alexis. En fait, Cyril, il a pris un abonnement, mais on en parlera plus tard. Puisque je le reçois pour la quatrième fois, semble-t-il. Cyril va nous présenter son dernier album intitulé « Pour toi ». Alors avant de rejoindre mon invité, je voulais faire un petit coucou à Patricia Das et puis tous les membres qui gèrent cette belle page Génération Claude François. Et bonjour à tous les amis qui suivent bien sûr cette page. Merci à Radio Lovestar, Christian, Daniel, Domi, Radio Fréquenzik, Catherine Lacoste, Radio Puzalène, Mado. Et pour terminer, n'hésitez pas à nous laisser quelques messages sur nos pages Facebook respectives. Pardon. N'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40, et bien sûr pour réagir avec mon invité que je reçois maintenant. Bonjour Cyril. Bonjour Gilles. Alors attends, j'entends comment rien dans vas-tu le casque. Ah, t'as un petit souci. Donc comme je sais pas quel bouton c'est. Alors évidemment. Attends, on va regarder ça. Alors si tu veux, ce qu'on va faire, on va avancer une musique. Ok. Voilà, c'est ça. Une première musique. Donc, la 2, si tu veux, Cassandra, voilà. Et puis, on va régler ça. Hein. Ouais. Ok, à tout de suite. Voilà, Cyril, on vient d'entendre, donc, on sort du bonjour. Voilà, Rebonjour, Gilles. Bonjour, les auditeurs. On est bien en direct, hein, il n'y a pas de souci. Ah hein, bah oui, hein, bah, ça prouve qu'on est en direct. Ça prouve qu'on est en direct. Ça sature pas un peu, là, non? Tu quoi? Non, t'es un peu fort? Non, attends. Ça va? C'est moi qui parle fort, peut-être. Donc, j'ai fait l'effort de venir jusqu'à toi, comme d'habitude. Bah, c'est gentil. Donc, voilà, avec évidemment des travaux sur la route, oui, voilà, etc. Du goudron. Donc j'arrive juste à l'arrache. Ouais. Donc, voilà, heureusement que tu avais bien tout préparé. Ah oui, comme d'habitude. Comme ça, c'est bien. Non, donc, voilà, ça, tout, tout se passe voilà, bien. Tout va bien. Moi, donc, j'avais peur une chose, que tu sois resté collé. Il y a un moment donné, collé dans le goudron, tu vois. Bah, moi, pas collé, mais à un moment donné, on était à l'arrêt. Je dis, moulala. Ouais, d'accord, là, ouais, ça... c'est vrai que. Bon, bah. Non, bah, ça va le faire. Écoute, merci d'être présent dans nos studios encore une fois. Bah, c'est moi qui te remercie de ton invitation. Voilà, bien sûr. Comme je disais, c'est la quatrième fois que tu viens. Après. Peut-être. Si, après, bon, ben, je veux dire, à tes heures perdues, tu es aussi animateur. Oui, si alors là, en ce moment, donc... je suis un peu en congé. Ouais. un peu en congé forcé. Et puis. Puisque nous, la radio, elle déménage et. Ah oui, c'est vrai, oui, tu on change dit. De locaux, oui. Donc on va reprendre certaines. Pas avant octobre, là. D'accord, d'accord. Là seulement qu'ils ont les clés, alors le temps de tout installer. Voilà, donc, enfin, je veux dire, voilà, tu es animateur aussi sur radio, sur RCN. Voilà, qui est une radio partenaire de Radio Gamozo. Oui, tout à fait. Donc voilà, pourquoi aussi nous nous rencontrons souvent. Voilà, je suis un Nancéen, bien sûr, un pur Nancéen. Mais alors moi, j'avais une petite question. Moi, j'aurais bien voulu que tu viennes avec ta marraine de scène, on peut dire comme ça. Oui. Je peux rêver, je crois, non. D'Espagne, évidemment. Ah oui, elle est en Espagne. Elle est en Espagne. Alors on parle de Jim Manson, bien sûr. Et puis, bah voilà, si elle avait été dans le coin, elle serait venue avec plaisir, bien sûr. Parce qu'elle fait les alors, radios. La prochaine fois, tu me promets. Mais elle n'est pas alors, dans le coin en ce moment. Elle travaille beaucoup dans le sud. On va se dire, je ne sais pas, pour une prochaine nouveauté, tu viens avec Jim Manson, sinon je te ferme les portes. Mais tu l'as déjà vu. Oui, je sais, je l'ai alors. Vu. Je te remercie aussi. C'est grâce à toi quand même. C'est vrai qu'on l'avait vu à la nuit américaine. Hein oui, quand j'ai fait sa première ans, partie. Quand tu as fait la première partie. 2015. Voilà, la nuit américaine. C'est vrai qu'on était quelques privilégiés à avoir pu la voir. Et puis, donc, grâce à toi, je te remercie encore. Hein, voilà. Donc voilà, oui, bah, autrement tout va bien pour elle. Ouais, c'est bien. Et tout va bien pour moi. Non, c'était une petite partie comme ça que je faisais, voilà, pour l'humour, tu sais bien. Il y a ma chouchoute qui vient bientôt aussi. Alors ta chouchoute. Le 22, je crois, à Fraise. À Fraise. C'est pas loin d'ici, non? À Fraise, non, c'est pas très loin. Fraise. Fraize. C'est Sheila qui vient, là, le 22. Ah, Sheila. En concert. Ouais, d'accord. Le 22 octobre. Septembre. Septembre. Ah oui, tiens, ça aurait été bien de le pouvoir interview avec Sheila. Hein, c'est vrai. Voilà, donc, Cyril, ben, encore merci d'être présent, voilà, dans nos studios. Alors, on vient d'entendre les mots bleus. Hein, on a entendu les mots bleus en attendant que, voilà, qu'on se mette un petit peu en place. Avant de mettre les mots rouges. Les mots rouges. On a la petite lumière rouge. Donc les mots doux. Ou les mots doux. C'est bien que je suis un océan de douceur. Ouais, je sais bien, je sais bien. Donc voilà, les mots bleus, c'est une chanson donc, que tu as interprétée en 2016, que tu as repris 2016, alors, je crois. Peut-être. Alors bien sûr, avant. Pas très vieux, enfin, tous les cas, oui, c'est une chanson qui accompagne Manureva, que j'avais repris. Oui, aussi, oui. Et les mots bleus, on rappelle bien sûr de Christophe. De Christophe, ouais. Bien sûr, oui, oui. Et on l'avait passé la dernière fois. Alors bon, Manureva, j'ai laissé de côté. Mais bon, enfin, peut-être 2016. Je rappelle quand même tes premiers albums. Oui. Ah, bien sûr, hein, ton premier CD, c'est ça, 2013. Oh, qui n'est pas le premier. Non, je veux dire, oui, c'est vrai, tu as une carrière quand même derrière. Tu as enregistré des 45 tours. Et des albums dans les années 80. Dans les années 80. L'album Une chanson souvenir, l'album ouais. La tendresse m'agresse et l'album... Ouais. Je ne sais plus. Feu follet. D'accord, donc quand même, tu as du métier quand même. Ensuite, hein, j'ai voilà. Fait l'album... Entre ombre et lumière. Ouais. En 96, donc qui est un recueil effectivement de 45 tours. Ouais, bien sûr. Avec ouais, des ouais. Bonus, des choses comme ça, qui est sorti en 96 avec Lino Butis, qui est nancéen aussi, mon ouais. Équipe nancéenne. Je le vois ce soir d'ailleurs. D'accord. Et puis ensuite est arrivé ce magnifique album avec Arthur Ivan. Arthur Ivan, donc l'homme belge. Que l'on devient. Premier album belge, tu vois, t'étais ouais. presque bon. Presque bon. C'est le premier album ouais. Belge. D'accord. Ouais. Donc l'homme que donc, l'on devient. Que l'on devient, magnifique album et. En 2012. Et une super collaboration. Oui, oui, oui. Oui, oui, 2012. En 2012. Donc, ensuite, j'ai sorti Red Night, qui est un. Ah oui. Qui est un album de dance. Un peu pop, électro, tout ça, dance. Ouais. Pas pop électro, non, c'est que dance. Que dance, oui, d'accord. Bon, je l'ai, mais je l'ai pas. Et puis un petit single aussi que tu as sorti après, par la suite, hein, quand j'étais tout petit. Oui, 2013. Hein, 2013 qui va avec l'album de une chanson de Art Sullivan, Paroles et Musique. Voilà. Avec une superbe chorale qu'on a déjà écoutée sur la radio. Sur la radio, bien sûr. Et puis maintenant, je reviens. Alors. Alors, les médias disent que c'est mon retour. Ah bon? Alors que bon, quand même pas. Je ne suis jamais parti, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est tu es toujours retour, un cheval confirmé. Je suis dans l'Est républicain aujourd'hui, ouais. En région, et, enfin, Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, ouais, ouais. etc. On rappelle que tu es donc un artiste de la région nancéenne. Hein, oui, bien oui. Sûr, hein. Et puis, je suis dans l'Abeille Hebdo aussi. L'Abeille Hebdo. Donc aujourd'hui, et puis avec toi. Alors aujourd'hui, c'est une journée promo. Alors effectivement, quand je lis un peu ce qu'on dit sur moi, il y a eu un précédent article. Oui. Il y a quelques jours aussi, oui. Sur le net. Ouais. Écrit par Marcel Gay, un très, très bon article sur, ouais. Info du jour. Enfin bon, bref, donc ouais. On parle de retour de le retour de l'ange blond. Le retour de l'ange blond. Donc et puis aujourd'hui, alors en fait, tu nous offres l'exclusivité, je pense. Est-ce que tu as déjà fait des médias alors, pour ton nouvel album En France, oui. C'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Exclusivité pour toi. Par contre, on en a déjà un peu parlé sur Passion FM. Oui, en vrai. Belgique, avec en notre Belgique. Ami Marc Gérard, bien sûr. Bien sûr. Ouais, salut, ouais. S'il nous écoute. Et puis et avec donc et Armand, je sais jamais son nom, le président de la radio. Ah d'accord. Oui. Et puis aussi un petit peu, tu as passé chez Mado aussi, Radio Plus. Pas Hélène. Encore avec cet album. Ah non, pas encore avec cet album, mais je vais y aller avec des petits extraits, non. Je vais y aller. Non. Ah non, je vraiment je. Je vais y aller avec grand plaisir. Voilà donc. Donc si elle veut bien m'accueillir. Je pense bien. Qu'elle contacte Marc Gérard. je pense bien. Donc on précise, Marc, c'est ton producteur, Marc Gérard. C'est mon agent en Belgique. C'est ton agent en Belgique, d'accord. Mon okay. Producteur actuel, donc sur cet album, oui. C'est un chanteur belge, un troubadour, comme on dit, c'est Artibano, qui est producteur et qui a produit ce disque avec 13 titres et 3 bonus. Oui. Donc on a fait fort. Oui, c'est. On a travaillé depuis un an dessus. Ouais. Donc on a pris un peu de retard à un moment donné parce que bon, comme tu le sais ou comme mes amis le savent, j'ai perdu ma maman au mois d'avril. Mmh. Donc ça a été un peu compliqué cette période là, ce semestre là. Donc c'est pour ça qu'on a eu, on devait le sortir au début juin. Ouais. Mmh. Et on le sort que là, fin d'accord, août. Il est sorti le 24 août. Bien sûr. Mais bon, bien sûr, malheureusement pour ta maman, mais je veux dire, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, et puis le résultat est là. Ah bah j'espère. Écoute, ben, écoute, comme je dis toujours, moi je veux... Moi j'en suis fier, c'est mon dernier bébé, comme mais on tu dit. Peux. Et puis, en tous les cas, je suis tu très peux. Fier de cette collaboration avec Artibano. Ouais. Voilà, un artiste aussi de cœur qui a trouvé intéressant dans mon timbre de voix une différence avec la sienne, parce que lui, c'est plus comment on dirait, oui, c'est un. J'ai une copine qui l'appelle Marie-Rose, qui l'appelle le polichinelle. Ah bon, d'accord. Mais lui mais chante, il est plus il chante dans la, aussi, il, est, oui, il chante, oui, il chante. Est dans la chanson plus engagée, ouais. Et puis dans la chanson plus à texte. Un message, mais voilà. Moi, je suis plus dans la douceur. Ah oui, donc, voilà. Donc, on a essayé. On en parle. On a essayé de tempérer un peu les choses. C'est bien. Et on a trouvé. Alors, c'est. En fait, on devait faire 2 titres. Oui. Quand on s'est. Je l'avais déjà rencontré lors d'un gala à Casino, à Cailleux-sur-Mer, et puis aussi une fois à Belgique, ouais. Aussi, je crois. C'est quand vous aviez reçu les. Je ne sais plus. Les trophées. Oui, les trophées Marc Gérard. Trophée enfin, Lucie Paul, attention. Lucie Paul, pareil, oui, qui est la chanteuse, oui. Avec qui il était marié. J'avais suivi ça de. Enfin, ouais. Pas de loin, mais sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, et on s'est rencontrés, puis ma foi, on s'est perdu de vue, parce que bon. Il m'avait dit on se verra, puis bon, moi je suis pas trop du style à taper aux portes. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait avec Arthur Divan, mais ça c'était un peu exceptionnel. Ouais, en général, bon, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi, oui, parce que ouais. C'est. Voilà, moi je suis. Contrairement à ce qu'on peut croire, je suis très pudique. Très pudique, d'accord. Alors tu parlais des paroles, enfin de ces chansons-là. Comme tu dis, c'est tout en douceur. Il y a des chansons rythmées, un petit peu plus rythmées, j'ai trouvé alors, sur oui, cet album. Donc on a, mais ça, je veux dire, ça reste des belles paroles. Ah, enfin, ah oui. Voilà, ça reste ah, bah des oui. Belles paroles. Que l'on comprend. Parce que tu me vois chanter des niaiseries, franchement. Non, mais si on avait déjà débattu là-dessus, hein, sur les textes et tout. Oui, oui, ça j'y tiens. Bon, évidemment, voilà, c'est pas non plus de la grande chanson à texte, mais c'est de la chanson, non, voilà, la chanson populaire, populaire, comme je l'aime. Voilà, comme on avec, l'aime. Avec voilà, de la tendresse, un chanteur régieux, un chanteur, comment oh, moi je suis fatigué, excusez-moi. Chanteur de. Donc, avec des chansons. Romantique. Voilà. Et puis, voilà, chanson romantique. intemporel. Ouais, enfin, ça tout me à plaît fait. Parce que comme ça veut dire que comme moi l'ange n'est pas d'âge. Ouais, tout et puis à fait. Voilà, et puis avoir des petits messages, la tendresse, des chansons d'amour, etc. Et puis des choses qui bougent, j'aime bien aussi. Oui. Après, quand il y a des petits, il y a quand même 2-3 messages dans cet album. Bien sûr. Dont un titre d'ailleurs que Marc Gérard a fait le texte. Ah d'accord. Oui, je voudrais tant, ça s'appelle. Ah oui d'accord, je voudrais tant. Oui, d'accord, ok. Alors bon, je savais pas que c'était Marc qui l'avait fait. Oui, parce que j'ai l'oncle. C'est une belle. C'est une belle. C'est Marc Gérard. Une belle chanson. Mais et je donc, ne sais pas si j'ai. Pardon, excusez-moi. Je suis en plus enrhumé. Donc oui. Alors moi, ce que j'ai aimé dans le projet, c'est que. Bah déjà, quand j'ai entendu les orchestrations qu'il faisait, les arrangements qu'il avait, je me suis dit, oulala, ça c'est tout ce que j'aime. Et en plus, dans ce qu'il m'a proposé comme titre, c'est une prolongation, ça prolonge l'album L'homme que l'on devient, parce que je reste dans mon univers, dans ma couleur. Dans ton style aussi. Dans mon style, dans ma couleur de chansons romantiques, etc. Ouais. Là où les gens m'aiment beaucoup. Bien sûr. Et puis, donc on était parti sur 2 titres pour faire un test comme ça, un essai. Bon, j'étais content. Je me suis dit, ça me 2 chansons de plus, bien hein, sûr. Pour moi, pour la scène. Bien sûr. Et puis finalement, on s'est bien entendu. C'est mon miroir, en fait. Il est comme moi. Il est très branché, très spirituel. D'ailleurs, il porte autour du cou un médaillon en or. Ouais. Avec l'autre côté, c'est un miroir. C'est marqué « Mon ami, mon miroir ». Et c'est ce que moi, je raconte depuis des années. D'ailleurs, j'en ai écrit une chanson. C'est moi qui ai fait le texte. Ouais, d'accord. Et puis, voilà. Donc, il a dit « Écoute, on va faire un album, puisqu'on s'entend bien, ça se passe bien. J'enregistre relativement vite. » Donc Moi, je vais te dire, on est parti sur un album. Je t'en avais parlé un petit peu en aparté, mais moi, je me suis régalé. Je veux dire... Quand j'ai écouté les chansons, hein, pour les mettre, enfin les normaliser, mais tout était bien. Hein, mais on voit tout de suite, je dirais, voilà, mais bon, il faut que ça soit bien nickel pour la radio, que ça passe sur le, que ça soit bien fluide, hein, si tu veux. Donc c'est vrai que je me suis régalé, moi, en écoutant toutes ces chansons là, et voilà. Alors j'ai fait ma petite playlist. Oui. Hein, je l'ai peut-être pas mis les titres dans l'ordre exactement, mais si tu veux, je te propose. Alex, qu'on écoute tout de suite une chanson. Oui, donc, parce que les blablabla, ils veulent écouter. Hein, c'est oui, il faut qu'on écoute le maximum. Donc, on va écouter, je vais dire, le titre éponyme donc, de ton album, qui s'intitule « Pour toi ». Petite fille du soleil. Non, Cassandra, c'est pas grave, t'inquiète pas. Nous sommes en direct. Ce sont les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ouais, j'irai voler la lune ou le soleil si je le peux, et j'en ferai une fortune pour te l'offrir si tu le veux. J'irai cueillir à l'horizon pour toi, pour en fleurir des cheveux blonds pour toi, des fleurs de ciel et des chansons pour toi. J'irai chercher dans la nuit bleue pour toi 100 000 étoiles au fond des cieux pour toi. Et les porter devant Dieu pour toi. Et s'il le faut pour que tu m'aimes, pendant 1000 ans je serai fou. Et puis qui sait, peut-être même jusqu'à marcher sur les genoux. J'irai cueillir à l'horizon pour toi, pour en fleurir tes cheveux blonds pour toi, des fleurs de ciel et des chansons pour toi. J'irai chercher dans la nuit bleue pour toi 100 000 étoiles au fond des cieux pour toi. J'irai les porter devant Dieu pour toi. Pour toi, titre, éponyme de ton nouvel album. Oui, puis je trouve dans la douceur. Il est intimiste, justement, comme ça. Ah oui. Ceux qui font l'effort d'acheter l'album. Ouais. Parce que tout le monde ne le fait pas, tu sais. Oui, ben je sais. Avoir, j'ai beau avoir des amis, mais oui, je suis contente de m'écouter sur YouTube. Ouais, je sais bien. Ouais. En tous les cas, ceux qui font l'effort d'acheter l'album, ouais. Voilà, pour soutenir l'artiste, et ben c'est pour. Pour ça, je dis pour toi, bah c'est voilà, pour celui ou celle qui achète l'album. C'est pour ça que j'ai voulu ce titre-là. Ce titre-là, d'accord. Alors, comme il y avait une chanson qui s'appelait comme ça, ça tombait bien. Et en plus, il y a deux versions. Il y a deux versions. Il y a une version avec batterie, une version symphonique. Enfin, d'accord. Là, c'est la version classique. Plus symphonique. Enfin, mais écoute, oui, je ne sais pas laquelle que je t'ai donnée. Si, d'après l'orchestration. Oui, il y avait de la batterie, là. Ouais. Non, mais c'est bien. Alors. Que je n'oublie pas, je te passe le bonjour de mon amie Lynn. Oui, bah je l'embrasse très fort. Elle est à l'écoute. Elle est là-bas au Québec. Elle est au Québec, oui, voilà. Gros bisous Lynn, et voilà, puis merci pour ton... fait la belle merci pour la pub, pour Facebook. Puis la belle affiche. Parce que voilà, souvent, je n'ai pas toujours le temps de tout ouais, faire. Oui, c'est sûr, et puis on ne maîtrise pas non plus tout. Et là, c'est bien, bah, comme ça, l'info. Alors j'espère que mes amis sont en direct. Avec nous, bien sûr, j'espère les amis de Facebook, parce que amis Facebook. Franchement, on aura mis la pub sur Twitter aussi, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et bien puis, sûr, bah voilà, parce que moi, la radio, c'est vrai que ça me manque un peu là, puisque depuis le mois de juin, je suis en stand-by. Ouais, bah, oui, comme c'est je le disais tout à l'heure, puisque nous, nos émissions sont en suspens jusque l'installation finale de la radio. Bien sûr. Et qui, je pense, va reprendre vers le 15 ou 20 octobre, enfin autour du 20 octobre. Alors, c'est vrai que ça manque hein, quand on fait plus de radio. Et moi, je peux te dire que oui. Bon, j'ai fait un peu de radio en Belgique, là, quand je suis allé voir Marc Gérard. Mais voilà, et puis là, je suis. Moi, ce qui me manque, tout frais, tout nouveau pour vous, avec un peu la grippe, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour toi, Gilles. Ce qui me manque, moi, tu vois, c'est la chanson. Ah bah oui, alors, quand on fait l'un, on a envie de faire l'autre. Quand on fait l'autre, on a envie de faire l'autre. Donc, il y a quatre titres qui sont en préparation, je ne dis rien pour l'instant. Alors. Mais tu vois, voilà. Mais tu vois. Ça manque quand même, parce que j'ai rien fait depuis 2016. Mais oui, c'est long. C'est vrai que c'est long. Alors c'est moi, j'essaie toujours de faire un peu des trucs. Ouais. Quand même, entre-temps. Bon, bah là, effectivement, c'est un album professionnel enregistré dans des grands studios en Belgique, avec mon ami Artibano, avec un technicien, un excellent technicien sur place, etc. Ouais. Donc, mais par contre, un peu en local, moi, j'aime bien quand même me faire un peu plaisir. Bien sûr. Et puis, comme j'ai besoin de reprises pour la scène... Oui, alors. Au mois d'août, j'étais à Soissons, donc je devais faire un truc sur les années 70-80, donc bah, du coup, j'en ai fait une de plus. Oui. Et donc, j'ai enregistré les mots bleus de Patrick Juvet. Les bleus au cœur. Les bleus au cœur, oui. Écoute, les je bleus me plante non, tout moi, alors, le temps. Les bleus au cœur. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu as eu déjà, sur scène, eu déjà l'occasion de chanter une de tes nouvelles chansons? Pour toi, justement. Pour toi. Celle-là, d'accord. Je l'ai chantée à Lyon. Tu l'as chantée, d'accord. Elle avait beaucoup plu. Je l'ai chantée en Belgique aussi. Oui, celle-là. Ouais, et celle-là. Puis la dernière fois, donc j'en ai chanté deux, trois déjà de l'album. D'accord. Bon, bah apparemment, les gens ne. C'est vrai que j'ai des très bons retours. Ouais, c'est... sur cet album, mais il serait difficile quand même. Hein. Bah, mais... je parle même pas de, je parle même pas vocalement. Je parle oui. déjà au niveau des instruments. La ouais, musique ouais, ouais. est très belle. Non, mais c'est bien. Moi, c'est... Quand je prépare, comme je te disais, hein, je prépare les chansons. J'ai le casque. Je m'isole dans mon petit studio à la maison. J'ai le casque et puis j'écoute et je veux dire. L'orchestration, c'est un vrai disque professionnel, ah ouais. fait encore dans la lignée des, comme celui que j'avais fait avec Art Sullivan dans les années 70-80, mmh. avec des musiciens. Il y a bassiste, il y a guitariste, il y a du saxo, il y a de la trompette, un ouais. magnifique trompettiste saxophoniste qui est d'ailleurs presque le plus connu en Belgique. D'accord. Ouais. Je suis en train de oui, chercher son nom justement. je t'aiderai pas. ça va me revenir. Bien, tu t'es bien entouré donc. Et pour, puis voilà, pour cet album. Et puis voilà, bon, mmh. c'est des gens qui travaillent. Bah, c'est vrai qu'avec Art, j'avais des déjà pros. Eu un peu ouais. goût à ça. Hein. Oui, bien sûr. Parce puis qu'avant, avant, j'entendais pas trop la différence. Maintenant, ouais. je l'entends. Ouais, honnêtement. Quand c'est fait quand même dans des grands studios, professionnellement. Et puis quand tu y as goûté, hein, on va dire comme ça. Bon, bah, après... ça a goûté. Non, mais je veux dire, quand tu as goûté à des. Voilà. Ah. À, je veux dire, donc avec bah ouais, mais ces tout ça, enregistrements. Ça coûte... oui, c'est je ça sais. Le problème, c'est que ça coûte très ça cher. Ça coûte très cher. Non, mais je veux dire, quand tu as goûté comme donc ça, là, j'ai professionnel, t'as plus envie de faire quelque bah chose. Oui, c'est sûr. Hein, il faut. Voilà, c'est... Mais c'est ça. C'est un sortir un album aujourd'hui, c'est presque du suicide, mon cher ami. Oui, je sais bien, Cyril. Mais bon, en tous les cas, nous, on s'est fait plaisir. Bon, voilà, c'est un disque collector, édition limitée, parce qu'on ne ouais. va pas en faire non plus des millions, hein, ça ne sert à rien. Bien sûr. Ouais. Pour faire plaisir vraiment à ceux qui me suivent qui et qui m'aiment, suivent, ouais. qui sont contents de l'avoir. Bah, parce que bon, il est en téléchargement, hein, ouais, on le trouve sur Internet. Ouais. Mais bon, c'est sûr que tu sais bien, toi comme moi, on aime bien avoir notre CD dans la main. Exactement. Alors ça, autrement, c'est... on a l'impression d'avoir fait du vent. Oui, exactement, exactement. Ah non, ça, c'est une chose. C'est vrai que je dis toujours, enfin, on rabâche en radio, des fois, on se répète. Mais oui, on mais... se répète en radio, mais c'est vrai que, bah, moi, toi comme moi, je veux dire, c'est vrai, on aime bien avoir l'objet dans la main, quoi. Voilà, c'est magnifique, je trouve. Bah, oui. Hein, alors, bon, on va pas reparler des vinyles, mais les vinyles reviennent. Ah, bah, ils reviennent. En plein pot, là, en force. Je veux dire, voilà. Nous, on en retrouve... a sorti un pour les 30 ans de Monde Tabou. Un vinyle collector, un pitcher, 45 ouais, tours. D'accord. Ils sont partis comme des petits pains, alors là, ceux-là, par contre. Ah oui, j'en ai plus. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai que ça revient fort, hein. c'est magnifique. Mon tabou, rappelons que c'était un titre que j'avais fait en 1988. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, donc c'était pour les 30 ans cette année. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Qui devait sortir à l'époque en 45 tours. Ouais. Parce que bon, j'ai enregistré en 88, mais c'est sorti en 90-11, je ne sais plus exactement la date. Et donc c'était en plein dans la cassette de titres. Ah oui. Alors du coup. Ah oui, la cassette de titres. On m'a filé la cassette de titres à la place du 45 tours, dont je faisais la gueule en plus. J'étais pas content. Bien sûr. Donc je me suis fait plaisir avec ce. Mais tu sais, avec ce pitcher 45 tours. D'accord. Mais tu veux dire, tu sais, moi je suis fan d'Elvis Presley. Et de temps en temps, je vais sur sa boutique officielle à Graceland, c'est à Memphis. Aux États-Unis, et il a ressorti un CD, donc un CD où sa fille Lisa Marie chante avec lui, donc en virtuel si tu veux. Enfin, tu vois, ils ont enregistré ça en studio. Ouais. Donc, il a sorti ce CD, donc version CD, version vinyle et version cassette de titres. Enfin, version cassette, non, avec tous les titres, mais en cassette. Mm-hmm. T'imagines ? Mais bien sûr, uniquement disponible sur le site, quoi. Ah voilà, je rebondissais sur ce que tu disais. En cassette, c'est mieux que rien, mais enfin, on n'a plus rien pour les écouter. Non, bah, c'est problème, un peu chiant. Parce qu'on est trois quarts du temps, nos trucs ne fonctionnent Cassandra plus. Cassandra, elle a connu les cassettes, non. Et alors un beau sourire aussi derrière, Cassandra. Oui, oui. Nous avons une très jolie jeune fille. Ah, c'est vrai que t'es gâtée quand même. Hein. Ah oui. Puis moi aussi, je suis gâtée parce que souvent, je change de technicienne comme ça. Voilà, c'est quand même agréable. C'est quand même agréable. Si on s'écoutait une autre chanson, Cyril. Eh bien, avec plaisir. Alors, j'ai choisi. Donc, pour cette deuxième chanson de ton nouvel album, j'ai le cœur à l'envers. Mes amours sont partis vers un autre pays, et j'ai plus de 100 ans, et j'ai plus de 1000 ans. auriez tant besoin qu'on me tende la main. J'ai perdu mes amis, ils ont quitté ma vie. J'ai le cœur à l'envers, je l'ai mis aux enchères. Ils sont autour de moi comme des oiseaux de proie. Tous ceux qui m'ont vendu sans m'avoir reconnu. J'ai le cœur à l'envers, je l'ai mis aux enchères. Toi qui étais pour moi le plus beau feu de joie, j'achèterai demain pour presque trois fois rien. Pour la paix de mon cœur, la clé d'un faux bonheur. J'ai le cœur à l'envers, je l'ai mis aux enchères. Moi qui ai tant besoin qu'on me tende la main. J'ai perdu mes amis, ils ont quitté ma vie. J'ai le cœur à l'envers, je l'ai mis aux enchères. Voilà, j'ai le cœur à l'envers. Nous, ça va, Cyril, on a le cœur à l'envers. T'as le cœur à l'envers parce que tu regardes la jeune fille. Cassandra, oui, qui est là. Bon, ça va, on l'a fait sourire. Hein, Vous êtes marrants, ça va. Ah, ça va. Ça va, les papis sont marrants. Ouais, ça va, vous êtes cool. Voilà, enfin, on a entendu sa voix un petit voilà, peu. Voilà, une jolie voix. Hein. Ouais. Alors, donc, j'ai le cœur à l'envers, qu'on vient d'entendre, donc... J'ai bien aimé parce que bon ça. Alors celle-là, c'est moi qui l'ai choisie dans les chansons. Dis-nous. Parce que toutes les chansons m'ont été proposées par Artibanou. Alors je te coupe, excuse-moi. T'avais combien de chansons au départ? Enfin, je veux dire. Ah bah on quand a tu as décidé de faire l'album, On a fait au fur et à mesure. Au début. Au fur et à mesure, d'accord. Au début, on devait partir sur deux titres. Ouais. Puis après, quand il a dit qu'on ferait un album, bon bah on savait pas. Mm-hmm. Enfin, je savais que lui, il aime bien que les albums soient remplis. Ouais. Donc je savais, il me dit, mais c'est bon, il a largement de chansons de toute façon. Alors il y en a deux ou trois que j'ai pas accepté parce que elles étaient pas dans elles sont pas dans mon dans ouais, mon t'as énergie pas accroché, ou peut-être aussi il y en avait une qui était vraiment bon, je dirais pas de mal mais c'était pas mon style quoi. Bien sûr voilà et donc mais tout ce que est là j'ai choisi avec lui en accord avec également avec Marc Gérard et puis tout me plaît. Ouais. Et sauf celle-ci où c'est moi qui l'ai pioché dans son dans celle-ci son répertoire. Qu'on vient d'écouter. Oui, le cœur à l'envers. Le cœur à l'envers. Ouais. J'ai dit tiens celle-là elle me plairait, j'aimerais bien la faire aussi. Donc il me l'a filé. Ouais, mais d'accord. C'est moi qui l'ai choisi dans ses albums. Dans ses albums. Mais d'accord. Le reste c'est lui qui m'a proposé. Et puis alors il doit y avoir 4 ou 5 chansons. Donc les musiques étaient super, mais que les textes moi me parlaient pas spécialement. Voilà parce qu'on a chacun nos histoires et donc. Voilà, j'ai fait écrire donc un texte qui a été écrit par Marc Gérard. Il y a un que j'ai écrit moi-même. Il y en a deux qui ont été écrits par Véronique qui m'avait déjà fait une chanson avec Chantal Mathieu. Véronique Serruche. Et puis, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, Pietro. Alors voilà, c'est Pietro. Alors attends, c'est, ce que, c'est le Pietro Lacirignola, qui est saxophoniste, qui est technicien du studio, et qui écrit un texte aussi. Il a fait aussi des musiques avec Artibanou, ouais. Mais il a fait un texte où je te protégerai, enfin, en collaboration avec avec Rosa, alors je sais pas le prénom là, par contre, parce qu'il y a beaucoup de collaborations d'auteurs, oui, puisque c'est des chansons pour la plupart qui existaient déjà dans le répertoire de Artibanou. C'est pour ça, ça s'appelle Pour toi, Cyril Alexis chante Artibanou. Oui, même si vous ne connaissez préciser. Pas vous en Belgique, mais en France, en France, pardon. On est à l'eau, on est à l'eau. Puis il est connu également en Italie, parce qu'il vient de faire une télé en Italie. Ah d'accord, ouais, ok. Et puis une chanson dont on écoutera tout à l'heure qui s'appelle Valentin. Alors c'est lui qui me l'a proposé, mais oui, par contre, on a changé volontairement le prénom. Oui, le prénom, d'accord. Voilà, oui, parce que, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans... Enfin, c'est pas tout de suite d'ailleurs qu'on l'a passé. Non, on en reparlera. On en reparlera quand ça sera... On passe des coqs à l'âne, là. Voilà. Alors donc voilà, et on est parti donc sur 12, 13 titres, donc c'est 13 titres. Et puis finalement... Il y a l'Ange Gardien, on a fait une version longue, ça fait un bonus. Pour toi, il m'a fait. Donc, j'ai enregistré la version classique. Ouais, et après, on a fait la version batterie, donc ça fait un bonus. Et puis, comment on vit au centre? Et je lui ai dit, pourquoi ne pas faire un duo ensemble? Bah oui. Alors, lui, c'est lui qui a choisi le titre, par contre, de celle-ci, parce que c'était pas évident pour moi. Alors, moi, je l'ai chanté comme si on était deux frères, et puis. Voilà, lui, il a déconné, les parents sont décédés, il a fini par vendre la maison, et on se retrouve à la rue, et avec les petites sœurs, etc. Bon, c'est dans cet état d'esprit que moi, je la chante. D'accord. Mais c'est pas dans cet état d'esprit qu'elle a été écrite au départ, puisqu'au départ, elle a été écrite, c'est un mari et une femme, un garçon, une fille qui se rencontrent, qui deviennent un couple, et qui par la suite se séparent. Se séparent, d'accord. Mais bon, voilà, comme les textes, ils peuvent avoir plusieurs significations. D'accord. Moi, c'est la mienne. Ouais. Évidemment, donc, je ne suis pas Maria Cartibano. Oui. Donc, à découvrir, Cyril, donc, sur ton album. Alors, on va le dire quand même, ton album. On se le procure comment? Ah, bonne question. On se le procure. On est quand même là pour faire la promo. On se le procure aussi. Par les liens sociaux, par Facebook, par Twitter, les réseaux sociaux, par mon site internet www.cyrilalexis.com. Vous m'envoyez un petit mot, quelque chose, je vous donnerai si vous voulez payer par carte bancaire. Enfin, par carte bancaire, c'est Rakuten maintenant, ça c'est plus Presse Ministère, ça a été racheté, Rakuten, je crois. Ensuite, si vous voulez payer par chèque ou par virement bancaire, je vous donne l'IBAN et l'adresse, etc. Vous pouvez envoyer vos chèques. Et puis, pour Nancy, mais bon, je ne sais pas si on nous reçoit à Nancy, mais enfin, comme on est sur Internet, il y a eu quelques dépôts ventes dans quelques magasins. Quelques magasins aussi, Fnac et tout c'est ça. C'est bien, Et puis, pour la Belgique, vous contactez Marc Gérard, c'est plus facile, ou Passion FM. D'accord. Et puis, nous aussi, même par le biais de la radio RCN à Nancy, je veux dire, il y a... Quelqu'un qui veut le disque, il y a toujours moyen de l'avoir, c'est facile. Voilà. Mais je veux dire, on est là aussi pour la promo. Et... Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les grands circuits, parce que c'est très compliqué. C'est compliqué. À part Mylène très Farmer, compliqué. Maintenant, puis quelques-uns, il n'y a plus grand monde qui reste. On va dire et surtout, comme ça, grosse pointure. Quoi, et encore, ils sont obligés de ils font des tirages limités aussi. Parce que, Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours le même problème. Bon, même tu parlais de Mylène Farmer, mais elle vend moins qu'elle vendait. Oui, forcément, puisque maintenant, on a tout sur Internet, et tout est en streaming, et les gens retrouvent ça sur YouTube, sur je ne sais pas où, etc. Et il y en a qui se pompent les chansons, etc. Exactement. Après, ma foi, c'est bien, ça prouve qu'on est aimé. Mais bon, après, il faut penser aussi à l'artiste exactement, qui essaie d'exister. Ouais. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Artibanou, il n'y aurait pas un nouvel album. Derrière celui de Art Sullivan, de toute façon on n'est pas rentré dans notre argent, s'est fait plaisir. C'est vrai que je suis très fier, c'est vraiment une grande chance qu'il m'a donnée. Donc voilà, je vois la différence vocale de ma voix mi-garçon, mi-fille, oui. et ma voix, bon, à tonalité de l'ange, a ouais. fait le... voilà. Une belle osmose, on dira, sur cet album. Oui, hein, tout à fait, voilà, et puis ben voilà, ça l'a décidé, et puis, ouais. parce qu'il était déjà dans un optique de dire, moi, j'en ai marre, j'arrête, ouais, j'en ouais, ai marre, ouais. les artistes savent pas ce qu'ils veulent... etc. Ou alors tout le monde veut tout pour rien, enfin, bon, c'est compliqué. Ça. Donc là j'ai eu beaucoup de chance, donc c'est vrai que c'est grâce à lui et ce disque existe, et je suis comme donc à nouveau dans l'actualité, oui. parce que c'est mon retour, le retour de l'enfant, grâce à ce disque. Mais voilà, autrement, honnêtement, je crois pas que j'aurais refait un disque, c'était pas dans mes projets, d'accord, parce que ouais. moi je n'ai pas le financement aujourd'hui pour le faire, et même quand je fais aujourd'hui des enregistrements comme là la reprise que j'ai fait de Patrick Juvet, ou même oui. d'autres choses que j'ai fait en local, en muret oui. dernièrement, qui est une des dernières que j'enregistre en local, une que j'ai fait avec Émilie Bonnet aussi. Ah, Émilie. Bah, plusieurs même qu'elle m'a donné. Ah, Émilie, bah, j'avais eu un petit message hier soir d'Émilie. Je ne sais pas si elle nous écoute, Émilie. Si elle nous écoute, je t'embrasse, ouais. ma jolie fée, Émilie. Ah oui, moi, Émilie, je le dis. Attention, j'en ai quatre des fées. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, écoute. Je ne veux pas te les prendre, tes fées. Il mais... y a la fée Mireille. Que tu connais. Fait Mireille, bien sûr, on lui fait des bisous. Mireille, ben, tu sais que je l'ai rencontrée cette année, j'ai eu le plaisir de la rencontrer cette année. Elle était dans les Vosges. Et nous avons eu l'occasion. Oui, je sais. Oui, parce voilà. qu'elle est venue me voir aussi à Nancy. Après. On a failli marier notre ouais, petit. On a vu les photos. Alors j'ai la fée. Alors il y a Mireille. J'ai ma fée Chantal. La fée Chantal. Chantal Mathieu, donc qui est la fée bleue. Ma troisième fée, c'est Émilie Bonnet, ma jolie ouais. fée. Mmh. Mais attends, puis j'ai ma petite fée. Ma petite fille Marie-Rose. Marie-Rose. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, d'accord. Voilà, que je rembrasse. Voilà, ben, oui, on les embrasse toutes. Les anges, qu'est-ce que tu veux, sont accompagnés de fées. Et Émilie, alors Émilie, je le dis, je l'adore. Mais je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Que... C'est vrai que bon, et bah, moi aussi, c'est beaucoup d'artistes. C'est une femme de cœur. Émilie, et... je l'ai eu, donc c'était, moi je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, mais enfin bon, adorable au téléphone, on a fait un fauneur, je veux dire, c'est du bonheur. D'ailleurs, je devais intervenir pour elle. Ah oui, peut-être bien. Quand elle est venue chez toi. Oui. Où j'ai enregistré. Enfin, je ne sais plus parce que. Ah si, on a. Ou alors, j'ai si eu, on a, j'ai on ma a mère qui est à l'hôpital ou, à ce moment-là. On a fait un petit message pour Émilie. Où ma mère venait de mourir, non, je ne sais ouais, plus. C'était enfin, dans les moments-là, je crois. Ouais. Donc, je ne pouvais pas être là. Je ne pouvais pas téléphoner. Enfin, je ne pouvais pas être en direct. Donc, tout à fait. Donc, ceci pour dire que moi, je n'ai pas le financement pour produire et refaire des CD. Et faire des CD, oui, mais souvent, la Belgique, eux, ils sont quand même très CD. Mais oui, mais t'as pas un CD. Oui, mais qui c'est qui le paye? Oui. Je pense que là-bas, ils sont encore, comme tu dis, la Belgique ou oui, mais nord ça, de la France. Ça coûte trop cher. Ils sont encore, si tu veux un vrai CD, déjà, il faut un minimum d'exemplaires, déjà. Oui. Si tu veux un vrai CD moulé, autrement, c'est sûr. Du CD gravé. CD gravé, c'est face. Alors, oui, ça, oui, c'est, ouais, ouais. Oui, il y a plein de Belges, ils ne se cassent pas le bonbon. Hein. Ouais. Ils gravent leur CD, ils font une photo imprimée et ils vendent le truc, oui, comme ça, et basta. Ouais. Bah, moi, je fais des vrais disques. Pro, et celui que j'ai fait avec Art Sullivan, c'est un vrai disque qui est payé. Oui. Qui est à la SABAM et où j'ai payé des droits, etc. Et effectivement, quand moi j'arrive alors quand je fais des plateaux d'artistes, il y a certains artistes qui ont des CD gravés comme ça. Ouais, ouais. Mais alors, il faut voir comment c'est fait en plus. Oui. Alors, ils vendent ça 10€, puis moi j'arrive avec mon bel album, ouais, ouais, ouais. 15€. Oh, bah dis donc, Cyril Alexis se prend pour une star. Oui, oui, c'est 15€. Bah oui, mais ah, bah, après, il faut voir le travail quand même. Ça m'agace. Oui, bah, je comprends. Je me doute bien. Je serais comme toi, tu sais. Je me doute bien. Non, non, mais. Parce que moi, je suis un pro. Ben, je veux donner du professionnel aux gens. C'est bien. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Artibano. Artibano est un pro. Il a beaucoup, beaucoup payé toute sa vie pour ses projets artistiques. Il s'est fait beaucoup plaisir, mais voilà. Donc, ça compte beaucoup. Je veux dire, t'as les musiques, hein, je veux dire, qui sont très belles, l'orchestration, tout ça. Ah bah. Donc, je veux dire, il faut que ça soit fait dans voilà, avec une belle pochette. Ça aussi, ça compte. Ah bah oui, alors... Ah, non, mais... Non, ouais, mais il m'a dit, il faut m'a que dit... tout soit bien fait. J'ai des belles fait. Musiques, je vais pas faire chanter par des charlots. Non, non, mais je veux dire, t'as des belles musiques, tu mettrais ça, comme tu dis, comme t'en parlais tout à l'heure, dans un boîtier cristal, alors on va dire, avec une espèce de photo fait un petit peu. Ouais, voilà. Non, mais ça va pas, quoi. Je veux dire, c'est pas pro, quoi. Non. Là, c'est vrai qu'il faut faire les choses. Voilà. Non, c'est faut... Moi, je suis. Non, puis ça sert à rien autrement. Ou alors, si, je fais un CDR promo.

donne, donne, donne-moi un petit peu de ton cœur, un petit peu de ta vie. Mais tu sais, donne, donne, donne-moi, donne, donne, donne-moi un petit peu de ton cœur, un petit peu de ta vie. Vient d'écouter Donne, donne-moi. Voilà, vous avez eu un petit aperçu hein, sur cette petite vidéo en live, donc dans nos studios. Alors, enfin, il dit coucou à tout le monde, hein, bien sûr. Bah oui, on essaie de faire les deux. Vous en même êtes temps. Toujours sur Radio Gamozo 107FM. Vous nous suivez sur le web, et n'oubliez pas de nous appeler. Vous pouvez nous faire un petit coucou 03 29 62 40 40. On vous attend. Alors, Donne, donne-moi, bien sûr. Alors, on vient d'écouter Donne, donne-moi. Extrait de mon album, L'homme que l'on devient. L'homme que l'on devient. Une reprise de Art Sullivan, que tout le monde connaît maintenant. Bien sûr. Bien sûr, son tube de 1974, dans une version 2010. Voilà. Déjà. T'imagines, ça fait 8 ans déjà. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. J'ai du mal à y croire. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, on revient à ton nouvel album, pour toi. Voilà. Oui. Hein? Et puis, oui, ça passe toujours vite, hein, 16h58. Bah, n'est-ce pas? Alors moi, je propose, bien sûr, je propose qu'on écoute cette chanson, Ti amo, Te quiero. Ah, elle plaît beaucoup à mon public, celle-là. I love you. Je t'aime, et moi j'aurais rajouté quelque chose. Ah bon? En allemand, ich liebe dich. Ah bah oui, mais bon, il y avait trop de pieds. Il y avait trop de pieds, d'accord. Donc, on écoute. On l'écoute. Que tu me devines, ta bouche qui se fait câline, tes lèvres qui se font félines. Et moi, en une nuit, je t'ai dit Ti amo, te quiero, I love you, je t'aime. Ti amo, te quiero, I love you, je t'aime. J'aime que tu me regardes, alors je baisse les armes. Toi, tu sèches mes larmes. Et depuis, chaque nuit, je te dis et redis Ti amo, te quiero, I love you, je t'aime. I love you, je t'aime. Ti amo, te quiero, love you. Je t'aime. Diamant. Te quiero. I love you. Je t'aime. Tu aimes que je te devine si douce. Mes mains qui te touchent en toi. J'ai ôté le doute à ton tour. Chaque jour, tu me dis, on se dit, diamant, te quiero, I love you, je t'aime, diamant, te quiero, I love you, je t'aime. Voilà, donc vous êtes toujours sur le 107 FM, mon invité aujourd'hui qui est Cyril Alexis, dans nos studios, voilà, en live. Donc vous êtes un peu timide au téléphone je trouve, hein. On aimerait bien avoir un petit coup de fil, hein Cyril? Non, ben oui. Ouais, alors, tu as eu pas mal de petits messages hein, sur ta petite oui, vidéo. Oui, voilà. Hein. Alors donc, je te livre, il y a Sandrine Baumann qui fait « Coucou vous deux ». Voilà. Oui, coucou. Sandrine, il y a Lynn Massé, coucou à vous deux, bisous. Voilà. Voilà, on a. Hein. Ça, tu vois, c'est plus rapide finalement. Oui, c'est vrai. Faites-vous. Bon, bah, c'est vrai qu'on a la tronche un peu. Des fois, oui, ça c'est dépend pas toujours comment, évident. Ça dépend comment on met le téléphone. Comment on met donc, le... Des fois, on se retrouve avec des tronches pas possibles, mais bon, ça fait téléphone. Rien. Ah, c'est vrai. Donc, je disais, cet album, bon, il y a des chansons douces, hein, comme tu as l'habitude d'en faire, avec des paroles, comme tu disais tout à l'heure, des chansons populaires. Et puis bien sûr des musiques un petit peu plus rythmées là, hein. On vient d'entendre Ti Amo, Te Quiero, I Love You, Je T'aime. C'est un petit peu plus rythmé. Oui, mais moi j'aime les deux. De toute façon, c'est pour donc, ça. C'est bien dans c'est un album. C'est pour ça que je fais de la dance moi. Aussi. Oui. Bah oui, parce que justement quand j'ai eu les deux premières chansons, c'était deux douces. Oui. Alors après on s'était regardé avec Marc Gérard, on s'est dit bon bah j'espère qu'on va pas faire un album que de douces parce que oui, bien sûr, ouais. Les gens vont s'endormir avant la fin. Mais non, Artibano, il est pro, il avait il avait déjà envoyé des choses qui sont c'est de la pop, qui sont voilà, il y a plein de choses de variété de... Mais bon, il y a des belles chansons comme celle-là, oui, intemporelles. Il y a de quoi faire, hein. Il y en a 13. Ah oui, il y a de quoi faire. Ouais, ouais. Donc, c'est... Alors que mon précédent album, hein, on avait réussi à mettre que 8 titres. Parce que 8 titres, c'était, ouais. On l'a produit, ça coûte très cher. Sur l'homme que ça, l'on devient, c'est ça. Oui. Ah, oui, donc là, cette fois-ci. 9 êtes... titres, tu avais mis, ouais. Ouais, mais il y avait une reprise. Il y avait une reprise, d'accord. Donc voilà, mais autrement, et encore, il y a une version longue de Savoir Aimer et une version courte. Donc finalement, il y a 7 titres. Ouais. Alors, mais bon, beaucoup d'artistes maintenant font des albums courts aussi, hein, parce que justement, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et ouais. Maintenant, souvent. Mais quand on aime bien l'artiste, je veux dire, moi je sais pas, comme je dis, je répète, j'ai bien écouté toutes tes chansons, mais y a, je veux pas être péjoratif, mais il n'y a rien acheté, je dirais, dans cet album. Bah, il paraît, justement, mais c'est pas. Ah. C'est ça c'est l'avantage d'avoir pu choisir. Ouais. D'avoir pu choisir et qu'on s'est donné du temps. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir refuser ce qui m'intéressait le moins d'avoir pu choisir, donc j'ai choisi ce que je préférais, et d'avoir pu réécrire aussi certains textes, on se retrouve avec un album qui me ressemble, qui est plus dans mon énergie, Et puis, bon, avec des choses ciblées, donc, c'est ça, c'est un gros avantage. C'est sûr, ouais, je me le dis. Parce que, souvent dans les albums, on retrouve deux, trois titres, puis après, il y a des chansons de remplissage, etc. Bon, il y en a une de remplissage, mais je ne vous dirai pas laquelle. D'accord. Je vais essayer de deviner. Attends, je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'était. Pour en avoir une de plus, disons que je l'aime un peu moins. D'accord. Ok. Alors, moi, je voudrais bien qu'on écoute cette fameuse chanson, Valentin. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors Valentin, c'est une chanson que... On en parle après, que m'a proposé Artibano, qui existait, qu'il a chanté lui aussi d'ailleurs, etc. Qui a été reprise par d'autres artistes en Belgique, etc. Et là, elle s'appelait Olinda à l'époque. Oui. Et donc lui, il a dit, bah non, toi, tu vas l'appeler, tu vas choisir un prénom de garçon. Prénom, ouais. J'ai dit, ah bon? Ben je dis, oui, mais bon... Je ne sais pas quoi mettre, hein. Mettre Marcel, oui. Roger, Gilbert, j'en savais rien. Et donc, du coup, par contre, c'est moi qui ai choisi Valentin, parce que déjà, par rapport à la Saint-Valentin. D'accord. Et donc, du coup, je t'aurais posé la question. On peut parler finalement d'homosexualité, ouais. Sans vulgarité. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, on sait quand même que partout, en Belgique comme en France d'ailleurs, on peut se marier entre hommes, entre femmes, etc. Bien sûr, et que tout le monde est libre et les amours sont diverses. Et donc, bah là, du coup, c'est l'amour d'un. Alors, en fait, c'est l'amour d'un garçon pour un autre garçon. Un garçon. Mais que l'autre en a un peu rien à faire, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Ah, c'est le problème. Et puis l'autre, il s'en rend malade, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça existe aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Oui, hein. Oui, oui. Oui. Moi, je connais beaucoup d'homosexuels, d'ailleurs, qui tombent souvent amoureux d'un garçon, mais donc de bol, le garçon est hétéro. Oui, voilà. Et donc, ça colle pas, quoi. Ça va pas coller, et donc, ça, voilà, c'est compliqué. Mais Valentin, c'est. Alors voilà, mais moi, je voulais que ce soit doux, sans vulgarité. Oui, et puis donc, j'ai choisi Valentin par rapport à la Saint-Valentin. Et puis, j'en connais un. Ah, et puis, tu connais un Valentin. Comme ça, moi, j'ai un visage, c'est parfait. D'accord, tout ça, c'est bien. Ouais. Okay. J'en connais un, il est sur Metz. D'accord. Alors, on s'écoute, Valentin. Je te dis, je t'aime. Encore faut-il te le dire. Homme, cent fois homme, je le sais bien. Mais moi, pour toi, je ne suis rien. Oui, elle est tout à toi. Valentin. Cyril Alexis et son nouvel album pour toi. Donc je dédicace à Valentin puisque j'en connais un. Ben voilà. Alors Cyril, comment je veux dire, donc tu as fait cet album là. Et quels sont, t'as des projets de scène On va travailler par la suite. Comme d'habitude, tu sais comment c'est, ça vient, ça part. Marc Gérard travaille dessus là. Je pense que c'est plutôt en Belgique parce que c'est plus la Belgique qui m'accueille parce que la France, c'est compliqué quoi. Ou alors s'ils veulent bien, mais si je veux chanter gratuitement, je chante tous les week-ends. Hein. Ah bah oui. Bah il y a pas de problème. Ça, hein. Ouais, d'accord. Mais dès qu'on leur dit bah oui, mais il y a des frais d'essence, il y a ça, il faut quand même les artistes bien sûr. Peu les dédommager, ça aussi, existe. Alors là, c'est déjà plus pareil. Mais bon. Tout ça, c'est pas gratuit. Hein. Nous, on nous le donne pas. Hein. Bien sûr. C'est vrai qu'en Belgique, c'est des gens qui sont quand même. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi de le dire. Moi, je suis gentil, tout ça. Il y a pas de problème, etc. Mais il faut aussi le dire. Oui. Que on vit pas de l'air du temps, même si je suis un ange. Donc, il faut un minimum, un petit cachet, quelque chose, un dédommagement aussi, pour la personne qui fait la sono. Bien sûr. Voilà, c'est des gens qu'on vient pas avec des musiciens, hélas. Donc, il faut un minimum, quoi. Mais c'est sûr que si je veux chanter gratuitement, tous les week-ends seront pris. Je te le garantis. Pas de problème. Je me doute bien. Ouais. Non, mais ça, les gens ne comprennent pas. Maintenant, ça devient difficile et on veut tout. Ou alors, tu as ceux qui te disent « Oh, mais c'est loin !» Bah oui, mais je ne vais pas aller chanter dans le salon de chacun. Hein. Oui. c'est un peu compliqué. Voilà. Quoi. Alors, tu vois, ici, dans les studios, nous sommes dans un salon. Nous sommes dans un salon. Oui, tout à fait. Avec les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Les amis, tes fans, tout ça, qui te suivent et tout. Voilà. On est tous ensemble. C'est pour ça que c'était exceptionnel quand même à Épinal. Plus de 10 000 personnes pour la nuit américaine. C'est vrai que là, c'était impressionnant quand même. J'avais déjà eu, parce que Foulquemont dans les années 90, tout ça, j'avais aussi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. C'était parrainé par Fun Radio à l'époque et tout ça. Là, c'est vrai que c'est. Mais tu vois, mais moi, j'ai autant de plaisir à chanter devant 20 personnes. Oui. Que de chanter devant 10 000. C'est plus dur de chanter devant moins de monde. Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est plus dur. Et encore plus dur de chanter devant sa famille. C'est plus dur parce que, en général, moi je dis toujours, il y a toujours la moitié des gens qui répondent. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu as 10 000 personnes, automatiquement, tu vas avoir, on va dire, au moins la moitié qui sont là, qui écoutent, qui regardent, etc. Si tu es devant 20 personnes, bon, c'est plus quand j'en ai 20, j'en ai 30, c'est des personnes de cœur. Ouais. Ça fait plaisir, mais bon, il faut encore avoir l'espoir, comme on dit, l'espoir de les avoir. Donc, on va embrayer avec espoir d'amour. Donc, ce qui me permet de dire l'espoir de vous avoir à mon prochain concert. Voilà, donc, on écoute espoir d'amour. Agarre trop souvent au fil de ces gens tous amants qui à deux vivant en s'aimant dans un bonheur que moi j'attends. Je suis toujours si seul, mais pourtant j'ai de la tendresse tant et tant à offrir, mais je suis blessé, l'être aimé doit pas exister. Je voudrais saisir jour après jour un amour sans aucun retour, partager ce doux sentiment, ne pas le perdre dans le temps. Je veux l'embrasser, sa teinte velours, côté jardin et côté cour. Mais serait-il dans l'air du temps, ce désamour étourdissant? J'attends, je les désire sous le vent, les aveux doués, les serments de tous ces mots qui restent blêmes dans mon cœur en manque extrême. Il est présent au bord de mon âme, ce sentiment qui m'entame. L'amour me fuit sans cesse, me transforme en grande tristesse. Je veux vivre jour après jour un grand amour sans retour. Partager ce doux sentiment, ne pas le perdre jamais dans le temps. je veux l'embrasser, satin velours, côté jardin et côté cour. Mais serait-il dans l'air du temps ce désamour étourdissant? Après jour, un grand amour sans retour. Partager ce doux sentiment, ne pas le perdre jamais dans le temps. Je veux l'embrasser, satin velours, côté jardin et côté cour. Mais serait-il dans l'air du temps ce désamour étourdissant? Voilà, Cyril. Alors, j'ai un petit coucou de Mado. Ah, donc, oui, coucou Mado. Mon petit Gilou, gros. Envoie un message à Marc Gérard et puis vois avec lui quand est-ce qu'on peut se voir. Ah, Cyril, et toi, bonne interview. Voilà. Merci, Mado, c'est gentil. Qui nous suit. J'étais déjà toujours. Venu une fois avec elle. Ouais. Chez elle. Oui. Avec l'album, oui. L'homme que l'on devient. Ouais, d'accord, ok. Alors, Mado, elle nous suit, enfin, elle me suit dans cette émission. Alors, moi, j'essayais aussi de la suivre le mercredi, mais c'est pas toujours évident parce que. Tu vois bien quoi, Mado, hein, tu sais, tout ça. Bah oui. Hein. Ah, c'est vrai que voilà. Donc, on vient d'écouter Espoir d'amour. Hein. Surtout que voilà. vous êtes Mado et toi, fait oui. quelques-uns, vous n'êtes pas beaucoup encore aujourd'hui, mais vous êtes quelques-uns encore qui défendaient les artistes c'est comme vrai, moi et vrai. La bon, chanson après, française. Oui. Et vous êtes peu aujourd'hui comme radio, surtout en France. C'est vrai que dans ce style, ouais. parce que maintenant, il faut que ce soit formaté. Même chez nous à RCN, c'est oui. formaté. C'est bon dans mon émission Atmosphère. Bon, on autorise que je me fasse un peu de promo pour moi, oui, mais, tu... oui, mais oui. c'est les artistes du passé, donc oui, et confirmés, etc. Donc c'est un peu compliqué. C'est, ouais, c'est des radios comme la vôtre ou comme la sienne, puis Alain. Il y a BLC aussi. Il y a BLC aussi. Voilà, vous Roselyne. Êtes encore quelques-unes, mais il y en a plus. Oui, Roselyne, qu'on fait un coucou si vous écoute. Coucou, ouais. Et donc voilà, je vous remercie du fond du cœur parce que sans médias, si les gens savent pas que notre disque est sorti, si les gens savent pas qu'on existe, c'est un peu voilà, c'est vrai que beaucoup d'artistes hein, sont contents de venir à voilà, mes débuts moi j'avais beaucoup de médias, ouais, j'étais ouais. jeune et beau, c'est peut-être pour ça. Mais non. Non, c'est vrai que j'avais. Non mais c'est vrai, c'était plus facile. Oui, c'était plus facile à cette époque. Quand j'ai fait mon premier disque en 83, ouais. j'ai eu d'ailleurs ma première télé France 3, trois chansons ouais. d'un coup. D'accord, oui, première oui. émission, c'est quand même pas tout le monde qui a ça. Aujourd'hui, va chercher ça. Ben, j'ai vu, je pense bien, oui. France Inter, j'avais l'Est, j'avais bon après RTL, ouais, etc. Et tu sais tous les grands, enfin les artistes confirmés. Enfin, je disais pas, hein, c'est pas. Ils n'arrivent même pas à passer sur des radios nationales. Hein. Mais je sais. Même des grands artistes n'arrivent pas à passer sur des radios je nationales. Je sais, c'est pas facile. Hein, c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Par contre, moi, j'ai pas réussi à passer sur Mona FM. Ah, Mona FM, oui. Alors là, ouais, j'étais pas content. T'étais pas content, oui. Ah, bah, surtout qu'ils avaient invité Art Sullivan. Bon, en plus, c'est un album oh. produit par lui. Oui, bah oui, oui, oui. Voilà, oui, voilà. Ça, ah, bah, ça arrive, bah, non, ils n'ont pas voulu de moi, on n'a pas réussi à y aller. Bon, bah, ma foi, tant pis. Ouais, puis beaucoup de radios changent. Hein, c'est pour eux, je suis pas assez connu, pas assez confirmé. Après, il y a des directions, tout ça, de radios qui changent, tu sais. Enfin, je voudrais citer une radio, comment, Drieckland en Alsace. C'était super comme radio. Enfin bon, je vais pas faire de, pas me faire des ennemis, mais bon, apparemment, j'ai su par un autre artiste, ça a changé de direction, tout ça. Maintenant, ils chutent. Ils n'ont plus autant d'auditeurs, et voilà. Parce c'est que très les gens compliqué. Restent toujours dans le patrimoine de la belle chacun, chanson. C'est voilà. vrai, chacun son époque, mais il y a un public pour chaque artiste. Oui. Donc moi j'en ai un aussi, comme tout le monde. Et puis il y a des gens qui aiment la chanson française. Il y a des gens qui aiment la chanson romantique. Il y a des gens et donc voilà, on n'a pas à cibler la population entièrement oui, sur un style de chanson. Kenji Girac, c'est très bien, mais bon, il n'y a pas ouais. que Kenji Girac bien sûr, ouais, en ouais. actualité. Quoi, je veux dire. dire, non, et voilà, toujours... et pourquoi les autres n'ont pas le droit d'exister? Donc, alors, comme disait Mylène Farmer, ouais, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. Le soleil ne brille pas pour tout le monde, mais c'est pas juste, c'est pas ouais, normal. C'est bien sûr, oui. Parce que quand on voit les moyens qu'on met, comme moi, dans celui-là a été mis dans cet album, l'argent que ça représente, c'est pas normal que voilà, que ce soit boycotté par certaines, bien sûr, ouais, ouais, par certains médias, quoi. C'est sûr, voilà. Voilà. Ouais, donc je crois que. On a peut-être alors, je sais pas, il y a un petit blanc. Eh ben, écoute, on va s'écouter tout l'été, ça tombe bien. L'été va se terminer. Tout l'été. Et puis, justement, quand reviendra septembre, je dis. Donc, quand reviendra septembre, eh ben, tout l'été, eh ben, c'est l'occasion de l'écouter. Bien sûr, voilà. Alors, et on revient tout de suite après. Allez, on l'écoute. Notre petite technicienne est au téléphone, c'est la pas pauvre, grave. Elle fait tout. Mais oui, elle fait tout. Donc, on va écouter... tout l'été. Tout l'été, tout Cassandra. L'été, tout l'été. Merci, à toi. À mendier et mentir en cherchant ton amour. Tout l'été, à jouer, à tricher en redoutant le jour. Quand reviendra septembre, je repenserai à ma vie. Le cœur réduit en cendres. D'avoir brûlé trop de nuits. Quand reviendra septembre, je repenserai à ma vie. Et sans plus rien comprendre, je serai seul sous la pluie. Tout l'été, à mendier et mentir à la quête d'un mirage. Tout l'été, à jouer, à tricher, caressant ton corps si sage. Quand reviendra septembre, je repenserai à ma vie. Le cœur réduit en cendres. Septembre, je repenserai à ma vie et sans plus rien comprendre, je serai seul sous la pluie. Quand reviendra septembre, je repenserai à ma vie. Le cœur réduit en cendres d'avoir brûlé trop de nuit. Quand reviendra septembre, je repenserai à ma vie. Le cœur réduit en cendres d'avoir brûlé trop de nuit. Voilà. Quand reviendra septembre, ça va déjà être fini. C'est bientôt. Un beau mois, le mois de septembre. Oui. Hein, encore avec le beau soleil comme on a. Justement, moi, on attend parce que je vais tourner un clip sur le titre pour toi. Ah oui. Et on attend l'automne parce qu'on veut tourner avec les feuilles colorées et tout ça. Voilà une belle info. Oui, donc avec Sylvain, en local, hein, un petit clip, comme ça, sympa, clip, parce que j'en ai, j'ai aucun clip encore sur les chansons-là. Ouais. Et donc, on attend l'automne. D'accord. Donc, ça vient bon. On attend que les feuilles tombent. On attend que les feuilles tombent et que ce soit très coloré. Et on va les tourner dehors. Voilà, d'accord. Mais c'est bien, ça. Tu nous feras, de toute façon, on verra sur donc, ton site. On peut parler aussi de ton site Facebook. Tu as ton site Facebook, donc... oui, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. On trouve YouTube, bien sûr. YouTube, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, mon site www.cyrilalexis.com. Mmh, Alexis avec un Y. Donc, je rappelle quand même. Parce qu'ils disent tous IS. Oui, ça m'arrivait aussi. Je rappelle donc le nouvel album que j'ai entre les mains. Là. Alors, bel attends, album. Je te coupe juste deux secondes. Vas-y. Bonjour à Didine qui nous a appelé. Ah, oui. Qu'on n'a pas pu prendre à l'antenne parce que maintenant c'est la fin de l'émission. Bonjour Anadine. Donc merci de ton appel, on t'embrasse très fort et nous aussi on t'aime. Voilà, passez l'info. Donc voilà, donc j'ai ton album dans les mains, un bel album. Donc on se le procure en contactant donc Cyril sur son Facebook, on lui met un petit mot, il répond et voilà. Ou alors vous allez sur Rakuten, je sais pas comment vous dites. Oui, alors ça je connais pas. C'est Price Minister, enfin bon, bref. Ah ouais, d'accord. De toute façon, vous trouvez facilement. Et puis, voilà. Vous pouvez le télécharger pour ceux... C'est plus facile pour eux parce qu'ils le veulent en MP3. Mmh. Vous l'avez sur iTunes, bon, puis voilà, les plateformes que vous connaissez. Hein. D'accord. Alors on va terminer avec une chanson que je tenais à passer. Oui. Parce que... Moi, j'ai bien aimé cette chanson. Elle n'est pas dans l'album. C'est une chanson que j'ai chantée en live au mois de juin, le 2 juin, à Neuve Maisons, donc en 54. Pour le festival Révélation. Ouais. Et donc j'ai fait une reprise, un extrait de Mozart, n'est-ce pas ? Ah. Et je chante Tatoue-moi. D'accord. Voilà, qui a été chanté, été chanté par Michelangelo, je ne sais jamais. Oui, c'est ça. Michelangelo, il y a une dizaine d'années déjà. Okay. Et donc c'est ma reprise à moi. Voilà, et on l'enregistre en studio. Ouais. Et je tenais, parce que c'est un peu différent, et ça montre que je sais plusieurs facettes de ce que je sais faire. Effectivement. Voilà, c'est un petit peu libertin, mais un petit bon. Un petit peu voilà, coquin, mais toujours, toujours, je veux dire, très, très, pas vulgaire. Voilà. Ah, pas du tout. Pas vulgaire. Et alors, donc, sur ma version, on l'a pas écouté encore en France, sauf sur RCN. Donc voilà, et puis en Belgique sur FM. Alors on se l'écoute. On se l'écoute et puis on se fait un bisou pour se dire au revoir. Et voilà. Puis on fait un bisou pour se dire au revoir. On écoute Tatoue-moi. Ah oui, c'est tout. Divine candide libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons-nous aimer au nez des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessus, bras dessous, et n'ayons crainte de leur vile arrogance. Chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Tu paieras cette offense. Que m'importe les rires et le regard sur mes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard, ils sont ma terre. Tatoue-moi sur tes seins. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Te tatoué sans mesure. Voilà, Cyril, donc on vient d'écouter. C'est fini. C'est fini, on vient d'écouter un petit bout de Tatou Moi. Voilà. C'est voilà une chanson très, très sympa aussi. Donc, moi, je voulais te remercier encore de ta présence. C'est moi qui te remercie. Dans nos studios. C'est toujours un grand plaisir, même. J'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que bon, tu avais pris un abonnement. C'était pour la petite plaisanterie. Tu me connais. J'aime bien aussi l'humour aussi dans les émissions. Voilà. Oui. Hein, donc c'est toujours avec plaisir. Et puis bien bah, merci à toi. Merci à Radio Guémozo. Hein, voilà. Hein. Et merci, puis bah, à une prochaine fois. Merci. Merci Cassandra pour la technique. Il n'y a pas de souci. C'est sympa. Moi qui vous remercie. C'est le prénom d'une chanson du groupe Abba, ça, Cassandra. Ah oui, peut-être bien. Aucune idée. Je reconnais ça, moi, parce que je connais bien. Bah. Donc, amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Donc, c'est déjà je vous fini. Retrouve la semaine prochaine, donc, même jour, même heure. Portez-vous bien. Bye bye. À bientôt. Gros bisous à tous. Gros bisous. Au revoir. Ça va mieux. Le...